On se plaît depuis toujours, on chante ma doigt de cour, on se mariera peut-être un jour. Soudain, on ouvre les yeux, ce n'était pas sérieux, on se quitte et cela vaut bien mieux. On reste bons amis, et cela n'est pas plus mal que d'être tous deux ennemis dans l'enfer du foyer conjugal. Reste bons amis, et cela n'est pas plus mal. Puisque vous trouvez ça normal, c'est promis, on reste bons amis. Il arrive aussi parfois, le dé de son aperçoit, que dans l'œil il s'est fourré le doigt. Je me console pourtant, car le divorce existant, tout peut s'arranger en un instant. Reste bons amis, et cela n'est pas plus mal que d'être tous deux ennemis dans l'enfer du foyer conjugal. On reste bons amis, ça pourrait finir plus mal, puisque vous trouvez ça normal, c'est promis, on reste bons amis. Bons amis, c'est promis, c'est promis. Veut-elle me permettre de l'annoncer ? Ne dérangez personne. Dites seulement à mademoiselle la comtesse que je suis arrivé. Bien, votre Altesse.

blanche des pommiers à fleurs. Ah, ah, ah. Je viens vers celle qui prit mon cœur en cette nuit bleue de l'avril. Ah, vont vous blâmer. Ça m'est bien égal. Cependant... C'est simple pourtant. Les autres, chaque jour, je les vois. Mais vous, c'est pour la dernière fois. Jamais je n'avais vu dans vos yeux tant d'ardeur. Je voudrais vous confier le secret de mon cœur. Oh, jamais plus douce mélodie ne charma mon oreille. Mon cher prince, il me faut vous remercier pour ce compliment. De grâce, le plus beau madrigal en Chine, c'est pour toi mon rêve d'un soir de printemps. Comme vous différez de nous. Mais être différent, comment l'entendez-vous? Qui vous plaît le mieux? La femme. Au salon d'une pagode, une chinoise à la mode porte cet affreux de très longs cheveux. Quelle noce est ridicule, ni chapeau ni réticule, un coin de peau nue en Chine est mal vu. Tcha tchi tchi tchi tchi, nous portons la même robe. Tcha tchi tchi tchi tchi, lui qu'existe le globe, montrer ses bras, ses chevilles, scandalise les familles, les bronzes en cœur, crie vive la longueur. Alors comment plaire aux hommes, sans rien faire voir en somme, mais mon oncle Chambre s'en moque le méchant. Nous offre après la noce le plaisir d'avoir des gousses et d'être la bonne de notre époux. Laver, faire la vaisselle, cuire des nids, des rondelles. Oh oui, que ce n'est pas drôle du tout. Croyez-vous que nous n'ayons pas peur? Nous en avons trop. Voilà le malheur. Nous désirons des caresses, des baisers. L'argent n'existait pas. Tout a changé de l'Éden, l'homme fut chassé. Le bon temps n'est plus, le paradis a disparu. Mais si nos cœurs chantent des mots très gentils, pour nous tous on chante, c'est le paradis. Mon amour et ton amour sont nés le même jour. Regard très court, mais qui vous charme pour toujours. Mon amour et ton amour se disent tour à tour. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. L'anglais très froid en amour n'aime pas parler, et l'allemand vient chanter pour mieux se déclarer. Le français vous fait la cour en de galants discours. En Chine on peut rêver le soir sous le ciel bleu. À Vienne en valsant, on se dit des mots caressants. Mais

tic tic à Paris. Tic tic tic tic. Prends la blonde lune de lune. Tic tic tic tic. Sur Paris. Tic tic tic tic. Nous prenons des fleurs sans bruit. Tic tic tic tic. Dans la nuit. Tic. C'est une affable charmante et gentil monsieur blanc. Que couvrent les fleurs brillantes de brillants. Viens dans le jardin de rêve gentil monsieur blanc. Que l'on peut danser sans trêve dans Paris. Mais nos deux cœurs sont bien rapprochés. C'est toi le plus joli, je crois, des bibelots chinois. Pourquoi l'endroit où tu n'as qui n'est-il pas mon pays? Brune poupée, fleur parfumée, princesse lointaine et bien-aimée. Des bibelots chinois, pourquoi l'endroit où tu n'as qui n'est-il pas mon pays? Brune poupée, fleur parfumée, princesse lointaine et bien-aimée. Vers ton pays, vers ton bonheur. Ma petite sœur, cachons nos larmes dans le malheur, telle est notre loi. Frère bien-aimé, auras-tu la force de souffrir? Toujours le sourire. Secret.